moment. Quel record, quelle performance, bravo. Dites-nous comment on se prépare à Paris 2024. Il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement, mais le plus important, c'est de bien s'entourer. C'est pour ça que je suis passé chez EDF en début de saison. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont deux pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une-rentrée-de-champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Ce soir, le magazine de l'archéologie de France Culture plonge dans les eaux de la Méditerranée pour évoquer une découverte hors norme, sans précédent. Au début des années 1960, date de cette trouvaille, dans le golfe du Lion, aux environs d'Agde, André Bouscaras, amateur et pionnier de l'archéologie sous-marine, découvre sous l'eau un extraordinaire amoncellement de lingots et d'objets de bronze, pour reprendre ses termes. Cet amas peut être lié à un très ancien naufrage aux alentours des 7e, 6e siècles avant notre ère, pose maintes questions et n'avait jusqu'à présent jamais été publié dans son intégralité. C'est désormais chose faite par deux grands ténors de l'archéologie, Jean Guilaine, Dominique Garcia, bonsoir. Bonsoir. Membre de l'Institut, professeur au Collège de France, Jean Guilaine, vous avez consacré votre vie aux sociétés protohistoriques de la Méditerranée. Dominique Garcia, professeur des universités, président de l'INRAP, vous œuvrez entre autres sur l'âge du fer. Vous venez de copublier avec Jean Gascot, Roches longues, lingots et bronze protohistoriques par centaines dans la mer, aux presses universitaires de Méditerranée. Merci Jean Guilaine d'être avec nous en ligne de Carcassonne. Dominique Garcia, remontons presque aux origines de l'archéologie sous-marine. 1964, il y a près de 60 ans, dans les eaux claires de la Méditerranée, dans quelles conditions cette découverte est-elle réalisée ? Nous sommes au centre de la côte languedocienne du golfe du Lion, dans un espace où les cours d'eau, en l'occurrence le fleuve Hérault, la lagune composée d'une série d'étangs et la côte rocheuse formée d'épanchements volcaniques constituent un milieu original. Durant la proto-histoire, cette zone a attiré autant les populations locales, on va parler, par la diversité de ses ressources naturelles, que les commerçants méditerranéens pour lesquels elle fut un amer et un havre remarquable. Le site des lingots et des objets de bronze de Roches longues a été découvert le 21 juillet 1964 par André Bouscaras, qui est né en 1922, donc il aurait eu 100 ans cette année, et il fut déclaré aussitôt au département de recherche d'archéologie subaquatique et sous-marine, le DRASM. André Bouscaras était un Biterrois, passionné précocement par l'archéologie. Dès l'âge de 15 ans, il a participé à des fouilles sur le domaine viticole familial près de l'oppidum dans ses runes. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il découvre l'archéologie sous-marine, toute naissante alors, et il réunit autour de lui et de son épouse un cercle amical, un groupe de plongeurs qui va œuvrer dans toute cette région. Dès 1948, il obtient sans doute les premières autorisations officielles de fouilles subaquatiques délivrées par le ministère dans le golfe du Lion. Un très bon archéologue amateur. Plusieurs campagnes se déroulent, bien sûr, sous l'eau. Suivront des rapports, quelques articles. Enfin, le mobilier arrive dans plusieurs lieux. Oui, le mobilier est d'abord recueilli par Monsieur Bouscaras, ensuite déposé à la Société archéologique de Béziers, puis à un moment donné, il se retrouve un peu éparpillé entre le musée d'Agde, le musée de Béziers, ses propres collections, voire même une exposition itinérante. Et aujourd'hui, tout est regroupé. Et aujourd'hui, grâce au groupe de travail conduit par Jean Guilaine, l'ensemble du mobilier est réuni dans cet ouvrage et présenté au musée du Cap d'Agde. On connaît, Dominique Garcia, la localisation de ce site sous l'eau. Alors, on connaît approximativement la localisation du site. Il est environ à 500 mètres de la côte, à 4 kilomètres du Cap d'Agde, dans une zone située entre 3 mètres et 10 mètres de profondeur. Les fouilles, il faut le rappeler, ont été menées de manière extrêmement sérieuse, avec des photos, des dessins, des descriptions précises, une publication sommaire et ensuite des comptes rendus réguliers. En revanche, la localisation précise n'a jamais été mentionnée, de peur sans doute que des concurrents dans cette archéologie naissante viennent récupérer et étudier le site avant lui. Donc il manque... C'est drôle, c'est quand même une curiosité. Ah bah, voilà, il y avait le fait, on prospectait, on cherchait et on ne voulait pas localiser. Et malheureusement, à la fin des années 60, ce secteur de la côte languedocienne est fortement aménagé, avec la construction notamment du port du Cap d'Agde. Et donc une partie des déblais qui ont servi à creuser le port du Cap d'Agde sont rejetés dans le secteur et aujourd'hui il est très difficile de retrouver l'emplacement exact. Jean Guilaine, nous voici entre le 7e et le 6e siècle avant notre ère et bien sûr en terre gauloise. Dans quel contexte autochtone sommes-nous sur cette côte de l'Hérault ? Bien, il faut voir que dans toute la zone en gros qui va de Narbonne à Agde aujourd'hui, c'est-à-dire sur le littoral balanguedocien, vivent des populations qui sont en augmentation démographique pratiquement à partir du 9e siècle avant notre ère. On voit apparaître en effet de grosses nécropoles à incinération. Et au début, au cours des 9e et 8e siècles, ces populations paraissent, disons, peu hiérarchisées. Autrement dit, les tombes sont relativement modestes et on ne voit pas beaucoup de différences sociales entre les individus. Et puis, les choses changent tout d'un coup dans le courant du 7e siècle avant notre ère. À ce moment-là, on voit apparaître des tombes de dominants, appelons-les comme cela, qui sont très pourvues en céramique, à Mayac, par exemple, qui est l'un des sites de cette époque, la nécropole, connaît une tombe où il y a 58 vases. Mais on voit apparaître aussi, à côté du bronze, les premiers objets de fer. On voit également dans la structure de ces sépultures des personnages importants dans la mesure où ils sont bien lotis, évidemment, en offrande funéraire. Mais également, au niveau de leur structure supérieure, on voit qu'il s'agit de personnages importants. Et d'ailleurs, il y a parfois, tout autour, des tombes beaucoup plus modestes qui sont probablement des tombes de dépendants, de subalternes. Et alors, cette hiérarchisation, n'est-ce pas, de la population, le fait qu'il y ait des personnages dominants, ces personnages sont suffisamment influents pour pouvoir drainer pratiquement à partir de toute la Gaule des tas d'objets de bronze qui, sous la forme d'une sorte de pompe aspirante vers le midi, drainent à partir des Alpes, du Jura, du Massif central, du centre-ouest de la Gaule, des tas d'objets neufs ou usagés qui viennent, n'est-ce pas, qui sont répercutés jusque dans le midi, où ils sont tantôt abandonnés sous forme de dépôts d'objets et tantôt embarqués vers d'autres destinations méditerranéennes, en particulier la Sicile, où nous retrouvons les traces dans les sanctuaires, ou bien, très probablement, recyclés chez ces populations méditerranéennes productrices d'objets de bronze. Le bronze était recyclé systématiquement. Ces populations donc locales du Bas-Languedoc, les personnages les plus importants, ont suffisamment de pouvoir pour drainer à travers toute la Gaule des masses énormes de bronze qui finiront ensuite dans les fonderies ou dans les sanctuaires de la Méditerranée. Il faut peut-être parler et dire deux mots d'un site, vraiment très beau site et très grande fouille aussi, le site de Mayac. Je sais qu'on y a trouvé par exemple des sculptures. Oui, à la même époque, il y a des sculptures qui apparaissent dans ce contexte, dans cet horizon qu'on appelle l'horizon de Grand Bassin 1. Il a été dénommé ainsi par Odette et Jean Tafanet, le prestigieux archéologue disparu aujourd'hui. Et les habitants sont beaucoup moins connus. Et dans l'un de ces habitants, le traversant, on a retrouvé effectivement des sculptures qui sont les premières sculptures connues en milieu proto-historique ouest méditerranéen. Dominique Garcia, qu'en est-il du contexte international ? Les réseaux semblent déjà être mis en place en Méditerranée durant le 7e siècle avant notre ère ? En effet, c'est sans doute une nouveauté pour la proto-histoire ancienne, le néolithique et l'âge du bronze. Jean Guilaine a parlé pour la Méditerranée d'une mer partagée. Pour l'âge du fer, la période qui nous intéresse aujourd'hui avec le cas de Rochelongue, la Méditerranée est plutôt une mer connectée. à la recherche donc de ressources, de produits de première nécessité, ce que les Grecs anciens qualifiaient de biotos, le nécessaire pour vivre. Des explorateurs phéniciens, des Étrusques, des Grecs explorent et établissent des liens commerciaux avec les populations locales qui ont été évoquées, ces populations du Grand Bassin, les Élysiques, les Ibères, les Celtes, les Ligures. Et le secteur géographique qui nous intéresse, la basse vallée de l'Hérault et également la basse vallée de l'Aude, constitue d'ailleurs l'endroit où ont été repérés les plus anciens témoignages de ces contacts méditerranéens. On retrouve des amphores phénico-puniques dans l'habitat et dans les nécropoles, des amphores étrusques, des amphores grecs, des vases à boire ont consommé du vin méditerranéen dès le 7e siècle, c'est-à-dire quelques générations avant la fondation de Marseille par les Grecs de Phocée. Des objets diplomatiques ? Alors des objets diplomatiques aussi, le brûle-parfum qui a été retrouvé dans l'Aude, quelques beaux bronzes. Donc on établit ces premiers contacts et on connecte la Méditerranée, les grandes cités étrusques et grecques, avec ce monde barbare au sens générique du terme qui associe la péninsule ibérique, le sud de la Gaule, mais également les réseaux pointés tout à l'heure par Jean Guilaine qui vont du Finistère du continent européen jusqu'au massif des Alpes et du Jura. Donc des bateaux grecs, des bateaux étrusques, des bateaux phéniciens circulent et tout ça s'organise à peu près. Oui, c'est ce qu'on dans appelle... Dans une sorte de compétition locale. Ou de compétition, ou parce que l'on appelle l'emporia, en fin de compte, un grand commerce. Le commerçant peut-être ne connaissait pas ni la nationalité, qui est un concept qui n'est pas en usage à cette période-là, ni même les cités. On allait de cité en cité faire du commerce, on apportait des produits manufacturés, du vin, les objets diplomatiques dont on parlait tout à l'heure, et on repartait avec des produits de première nécessité, les céréales, les esclaves et le métal qui était le nerf de la guerre. Jean Guilaine, ce dépôt sous l'eau donc de bronze fait à peu près combien de pièces ? Vous en avez une idée ? Les objets de bronze, il y en a environ 1700 objets de bronze, et puis il y a des lingots. Alors les lingots, quelques 700 kilos de lingots, qui peuvent être des lingots plano-convexes, circulaires, d'une vingtaine de centimètres de diamètre, n'est-ce pas ? Soit des lingots cassés, n'est-ce pas ? Ils sont cassés en 3, en 4 morceaux, n'est-ce pas ? Ils sont assez calibrés d'ailleurs, les morceaux eux-mêmes. Il y en a 700 kilos de lingots, et ces lingots sont en cuivre, alors que les objets, tous les objets sont en bronze, c'est-à-dire en alliage. Alors en gros donc, 700 kilos de lingots de cuivre. Ensuite, alors ce cuivre, il est très intéressant parce que nous avons fait des études grâce à Monsieur Enrique Aragon Núñez et la plupart de ces objets semblent provenir du sud de la péninsule ibérique, n'est-ce pas ? Ce sont des productions andalouses, n'est-ce pas ? Ensuite, il y a parmi les objets des objets qui sont, on peut dire, ibéro-languedociens, c'est-à-dire qu'on peut les trouver en Languedoc, mais on les trouve également surtout en Espagne, n'est-ce pas ? Dans l'Espagne méditerranéenne, ça peut être des fibules, à double ressort notamment, ça peut être des boucles de ceinturon, et notamment le type de la cébouchal qui est très largement répandu dans la péninsule ibérique, ça peut être des haches, n'est-ce pas ? Notamment les haches qu'on appelle haches de type roche longue, elles sont particulières, elles sont un peu différentes de celles du Languedoc, des haches launaciennes, parce qu'elles n'ont pas un petit anneau qui permet de fixer davantage la pièce au manche. Et puis il y a aussi des objets alors proprement gaulois, ça peut être des objets du Midi, mais il n'y en a pas tellement finalement des objets typiques de la zone launacienne, c'est-à-dire bas-languedocienne. Mais en revanche, il y a des objets qui viennent de la région alpine, de la région du Jura, en particulier certains éléments qui correspondaient à des pectoraux, du massif central et du centre-ouest de la Gaule. Donc vous voyez quelque chose qui est très hétéroclite finalement. D'une part, des lingots d'origine sud-ibérique, ensuite des objets qui s'égrènent sur la côte espagnole de Valencia, pratiquement jusqu'aux Pyrénées et au-delà, et enfin des objets proprement gaulois. Voilà cet objet, la composition très complexe, et ce qui, évidemment, en fait l'intérêt en même temps du dépôt de Rochelongue. Jean Guilaine, je reviens donc au lingot. Que sait-on des productions de cuivre andalou ? Vous savez, au début, on a découvert Rochelongue, il y a eu des premières analyses. Elles n'étaient pas aussi pointues que celles que l'on peut faire aujourd'hui. Et les premières analyses avaient mis l'accent sur l'origine probable de ces lingots andalous. Et Maintenant, avec les isotopes du plomb, nous avons un marqueur qui est beaucoup plus fin et qui montre que ce sont probablement des sites du sud, des gîtes du sud de la péninsule ibérique qui sont à l'origine de cette cargaison. Il faut donc penser que une bonne partie, s'il y a épave, n'est-ce pas, de ce récupérateur de métaux, c'était quelqu'un qui s'était approvisionné dans le sud de la péninsule ibérique. C'était quelqu'un qui gravitait autour du monde phénico-phénicien, n'est-ce pas, phénico-punique, et peut-être était-ce même un phénicien lui-même qui avait embarqué ses bronzes, ses cuivres plus exactement, du sud de l'Espagne. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Jean-Guilaine, vous me parliez d'agrafes, de sorte de boucles de ceinture qui viendraient de Catalogne. Là aussi, c'est des pièces absolument tout à fait exceptionnelles, avec de grandes broches par exemple. C'est déjà du mobilier que l'on retrouve d'un côté en Espagne, mais aussi dans le Languedoc. Oui, le problème en réalité, c'est que souvent, sur ces pièces qui sont... on appelle ibéro-languedocienne, on dit souvent. Sur ces pièces, on ne sait pas si elles ont été fabriquées en Languedoc ou dans la péninsule ibérique. Elles sont nettes, par exemple, les fibules du type de la Sébouchal, qui est un type très particulier de fibules moulées, elles sont très nombreuses dans la péninsule ibérique, mais ça déborde sur le Languedoc. Autrement dit, il y a très souvent, à cette époque-là, une sorte de, comment dire, d'unité culturelle qui peut relier le Languedoc à la Catalogne. Et c'est le cas notamment aussi, par exemple, des haches du type de Rochelongue. Ces haches, elles sont dans le Bas-Languedoc, mais plutôt dans le secteur de l'Aude, du Roussillon, et elles sont également présentes au-delà des Pyrénées. Donc il y a une unité culturelle, je dirais, catalano-languedocienne, qui montre que il n'y avait pas de Pyrénées, n'est-ce pas, pour paraphraser Louis XIV. Nous voici devant une accumulation de pièces hétéroclites, certaines pointes de lance, ou par exemple une hache plate, et puis bien sûr des haches à douille ronde, pourraient être bien plus anciennes que ce 7e, 6e siècle avant notre ère. Oui, alors, il y a une seule hache plate, en cuivre, n'est-ce pas, qui a été trouvée avec cet ensemble. Cette hache plate, en réalité, elle ne correspond pas du tout à la morphologie des haches plates de l'âge du cuivre que l'on trouve en Languedoc, qui sont des haches plutôt de forme globalement rectangulaire. On a ici une hache à tranchant évasé. Cette hache, elle correspond tout à fait aux haches qui étaient produites à ce moment-là, à la fois dans le sud du Portugal et notamment dans le sud-est de la péninsule ibérique, jusque dans la région de Valencia. Il est vraisemblable que cette hache a été mêlée à la masse de lingots d'origine andalouse, globalement, qui ont été embarqués dans l'éventuelle embarcation du récupérateur de métaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'on a des pièces entières, on a des pièces brisées, on a aussi, bien sûr, des lingots, mais on a aussi des chutes de fonte, c'est bien ça ? Oui, la chute de fonte, mais ça, c'est lié, évidemment, à la fabrication, au coulage des bronzes. Oui. Donc, c'est dans les autres dépôts du Languedoc étudiés, et notamment celui de l'ONAC avec Dominique Garcia, nous avons étudié il y a quelques années, on retrouve aussi ces chutes de fonderie, n'est-ce pas ? Dominique Garcia, peut-on se faire une idée de l'âge de ce dépôt de bronze ? Il n'y a aucun élément pouvant dater réellement. Alors, dans ce phénomène des dépôts lonaciens, on vient d'évoquer le cas de l'ONAC, donc les dépôts lonaciens sont ce phénomène de récupération d'amoncellement de métal au début de l'âge du fer dans le midi de la France. On va dire que les lingots, les déchets de fonderie sont bien entendu les éléments aujourd'hui les plus difficilement datable. Ensuite, on a des formes qui peuvent durer dans le temps, certaines formes de haches ou certaines formes de bracelets. Dans le cas de Rochelongue, on a également des objets d'une typologie précise, certaines fibules de type italique, de type ibérique, les agrafes de ceinturon que vous avez évoquées tout à l'heure, qui ont été retrouvées dans des tombes, dans des nécropoles, dans des ensembles bien datés. À tel point qu'aujourd'hui, si on regarde les documents les plus récents, et donc ceux qui peuvent permettre de dater le naufrage de cet éventuel bateau, on arrive à une datation autour, on va dire, allez, de 560-550 avant Jésus-Christ. Et donc, qui donnerait, en fin de compte, sans doute, on aurait, avec Rochelongue, le dépôt le plus récent dans ce complexe solonacien. Ou du moins, le dépôt qui contient les objets les mieux datés et qui permet donc d'affirmer que le Lonacien a perduré jusqu'au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ. Cela veut dire que donc vous avez comparé ces très beaux objets à d'autres ensembles, d'autres dépôts qui ont été trouvés sur Terre ? Alors, bien entendu, ce phénomène lonacien, et c'est en cela où la découverte de Rochelongue est intéressante, correspond à quelque chose qui fonctionne, on va dire, aller de la Catalogne jusqu'au sud du Massif central et la région de Montpellier, où ont été retrouvés une série de dépôts, certains très près de mines languedociennes, notamment les mines de Cabrières, qui sont à une quarantaine de kilomètres d'Agde, d'autres plus proches du littoral, comme le dépôt de Launac. Et dans ces dépôts, ce qui a été déposé, c'est avant tout des objets qui font du poids. C'est des lingots, c'est des haches, c'est des bracelets, et parfois quelques objets moins plus précis d'un point de vue typologique, mais qui avaient moins du volume. Donc on a d'abord rassemblé du métal pour effectivement alimenter ce commerce méditerranéen. Et en fait, ces dépôts sont la partie émergée de l'iceberg. Le reste, c'est tout le métal qui est parti en Méditerranée alimenter l'industrie métallurgique du monde étrusque et du monde grec. Il y avait aussi quantité de bracelets. Vous avez tout publié. Il y a des pages et des pages de bracelets différents. Alors, bien entendu, ces bracelets sont le reflet, enfin, des usages. Et en cela, le dépôt de Rochelongue est intéressant également. C'est les usages du métal, du bronze, au début de l'âge du fer. Donc, quelques armes, de nombreux outils, et puis des éléments de parure. Deux hypothèses peuvent être mises en place pour expliquer tous ces objets en pleine mer. Le premier, c'est bien entendu une fortune de mer, issue alors donc d'une épave. Mais un sanctuaire marin est aussi tout à fait envisageable. Quels sont les arguments laissant penser que nous pourrions être justement sur un possible sanctuaire, l'ensemble du mobilier étant dans ces cas-là alors votif, Jean Guilaine ? Oui, alors il y a deux hypothèses, évidemment. D'une part, celle d'un sanctuaire marin, autrement dit, dans un secteur accidenté, n'est-ce pas, on prend l'habitude d'aller déposer, n'est-ce pas, pour, par exemple, rechercher en quelque sorte les vents favorables lors d'une navigation prévue. On dépose en quelque sorte aux divinités de la mer des offrandes pour s'attirer les vents favorables. On peut aussi penser que dans cette zone dangereuse, il y avait intérêt également à faire des sortes de sacrifices à des divinités. Et donc, on aurait ainsi accumulé au fil du temps toute une série d'objets qui auraient été ainsi dévolus aux divinités maritimes. Moi, je ne suis pas très favorable à cette opinion, mais qui reste de toute façon un problème posé et réel. Hein. Vous verrez qu'à la fin de l'ouvrage, en fait, nous ne choisissons pas entre les deux hypothèses. Mais on connaît des sanctuaires marins de la sorte, déjà ? À ma connaissance, de cette époque-là, on n'en connaît pas à Angole méridionale. On en connaît dans d'autres points de la Méditerranée. Et donc, cette hypothèse a une part de vraisemblance, bien entendu. Mais je m'explique mal comment on aurait déposé là des masses et des masses de cuivre venues du sud de la péninsule ibérique. Enfin, pour moi, cette hypothèse, qui est réelle en même temps, ne me satisfait pas entièrement, disons. Voilà. Dominique Garcia, justement, on peut même dire que si nous sommes devant une sorte de sanctuaire, formulons l'hypothèse, les objets ont été sacrifiés, la destruction de richesses rentrant tout à la fois dans un système économique et surtout politique et social. Alors, l'hypothèse sanctuaire peut être nourrie par les éléments que vous avez évoqués, mais le fait d'avoir une activité de fonderie, de récupérer, peut aussi justifier le fait que des bracelets soient cassés, tordus, amoncelés, etc. Donc, je crois que l'hypothèse sanctuaire n'est pas la plus forte. Elle est évoquée dans l'ouvrage, dans la volonté d'ouvrir un petit peu les comparaisons. Et puis, par un autre fait, pour avoir une épave, il faudrait normalement avoir un bateau. Or là, nous avons si c'est une épave, nous avons que le chargement. La fouille n'a pas révélé la présence de bois, n'a pas révélé la présence de mobilier d'accompagnement, la vaisselle qui servait à l'équipage. Ce qu'a révélé la fouille, c'est un espace qui fait environ 25 mètres de long, 14 mètres de large, donc une embarcation, si c'est le cas, qui devait être assez importante, dans lequel étaient placés ces objets qui étaient, au moment de la fouille, regroupés par catégorie, comme si on avait là déposé des emballages, d'où le fait que l'hypothèse de l'épave, donc du bateau qui partait des côtes languedociennes pour aller alimenter l'industrie méditerranéenne, semble être la plus favorable. Pour expliquer ce dépôt, vous envisagez qu'étrusques et grecs aient mis à contribution les élites locales. Des chefs locaux auraient alors ainsi drainé des bronzes via des sortes de colporteurs, des rabatteurs ferronniers, des sortes de peaux de lapin de notre enfance, Jean-Guilaine ? Oui, en fait, on en a parlé en début d'émission, ces roitelets, entre guillemets, bien entendu, locaux, ont drainé des bronzes pratiquement des quatre coins de la Gaule. Donc, leur rôle consistait à amasser des masses de bronze qu'ils devaient négocier, évidemment, auprès des Grecs, des gens de Grande Grèce ou des Étrusques, parce que ceux-ci avaient besoin de métal. Et donc, vous voyez la puissance quand même sociale de ces personnages qui, en Languedoc, se trouvaient au point de convergence entre des réseaux qui partaient pratiquement de toute la Gaule et puis ensuite les contacts qu'ils entretenaient avec les gens de Méditerranée. Mais dans le cas de Rochelongue, la situation est un peu plus compliquée. Parce qu'en réalité, l'essentiel du métal ne semble pas venir de Gaule, mais semble venir, à travers les lingots, du sud de la péninsule ibérique. Alors, il faut imaginer, je sais pas, une sorte de récupérateur de métaux, de caboteur, si l'hypothèse de l'épave est la bonne, bien entendu, qui se serait essentiellement approvisionné en lingots de cuivre dans la péninsule ibérique, puis qui aurait remonté en quelque sorte les côtes espagnoles, les côtes ibériques, pour glaner des fibules à double ressort, des boucles de ceinturon, près de la Catalogne peut-être des haches de type Rochelongue, qui seraient de là passées en Languedoc, où il aurait récupéré quelques pièces de type Launacien, et encore un certain nombre de pièces venues jusqu'en Languedoc à partir de ces divers centres du centre, de l'est ou de l'ouest de la Gaule dont nous avons parlé. Donc voyez le caractère hétéroclite de la composition de ce dépôt. Dominique Garcia, ce bateau donc parti d'Espagne, on peut voir ses arrêts, le cabotage qu'il a entrepris ? Alors on peut imaginer qu'effectivement les commerçants phéniciens et qui avaient tout intérêt également à diffuser ce métal le long des côtes du Levant ibérique et longer les espaces andalous, la Catalogne, pour lequel on retrouve quelques pièces, ensuite le Languedoc, vers lequel revenait converger du mobilier gaulois accompagné avec quelques pièces italiques. On retrouve en fin de compte, grâce à Rochelongue, cette activité commerciale méditerranéenne entretenue par les commerçants méditerranéens. Dominique Garcia, vers quelle destination faisait route ce navire ? Navire phénicien, vous me dites. Probablement. Ça ne peut pas être un navire gaulois. Ça ne peut pas être un navire gaulois, mais de toute façon, la mer à ce moment-là faisait l'objet d'une activité extrêmement dense avec ce commerce emporique. Et donc ensuite, l'horizon que voulait atteindre ce bateau, c'est sans doute les grandes cités étrusques et grecques. Et d'ailleurs, Stéphane Verger, dans ses études, a bien montré que dans des sanctuaires grecs ou d'Italie du Sud, on retrouvait des objets d'origine gauloise. L'ensemble de ce mobilier est désormais conservé au musée d'Agde. Jean-Guilaine, Dominique Garcia, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre de cette grosse et belle synthèse, Rochelongue, lingots et bronzes protohistoriques par centaines dans la mer, aux presses universitaires de Méditerranée. Carbon 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Tar Bouklifa, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. Demain le sport, une journée pour imaginer ensemble l'avenir du sport, mardi 19 septembre, à la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris. Comment Paris va relever le défi d'accueillir l'an prochain les Jeux Olympiques et Paralympiques? Quels nouveaux champions vont se révéler? Venez dialoguer avec les acteurs du monde sportif. Inscription gratuite sur demainlesport.fr. Un événement France Info, l'équipe et France Télévisions. Avec Deloitte, Optique 2000 et la Matmut.